002 Le retour du beat dans l'arène. Marginal Sosa. Ok. Tous les briques dans le ciel, tout le monde se lève. Laissons la haine et les armes sur le sol. C'est B, A, 2, C, A, R, B, I. Bataille. Tous les briques dans le ciel, tout le monde se lève. Laissons la haine et les armes sur le sol. C'est B, A, 2, C, A, R, B, I. Bataille. Ça fait chaud au cœur de retrouver le public, micmac de l'industrie au mic, c'est le même qui nique. Rappeur unique, dans son genre, vis-la. J'rappe pour le peuple et vise large. Ma devise, fidéliser les nôtres, faire danser les vôtres. Passons le message aux autres, implantons notre bise. D'où vient de là la force et la rage? Les mots baptisent les cœurs et la rime, c'est le prestige. Pendant que la presse fiche sur nos pertes, la rue juge nos écrits. Quand on éclate, la terre vibre, c'est la renaissance. Je stoppe l'insensé, c'est un braquage. S'abstenir, âme sensible. Je suis lancé, déplacé, des barricades, j'ai l'élégancé. La tchatche, tout Paris en parle. Les anciens ont classé Bacardi, palace du rap. C'est ça la classe, et tu le sais. Tous les briques dans le ciel, tout le monde se lève. Laissons la haine et les armes sur le sol. C'est B, A, 2, C, A, R, D, I. Bacardi. Tous les briques dans le ciel, tout le monde se lève. Laissons la haine et les armes sur le sol. C'est B, A, 2, C, A, R, D, I. Bacardi. C'est moins lent, les mots moins longs, toujours mielleux. Je répète quand je prends le mic, ça débillez-le. J'enchaîne, les rimes, minimise les drames. Mon karma tellement fort, fais-moi ce mec éternel. Le rap c'est le sport. Pour entretenir la forme, des mots d'ordre, j'ai pas peur moi de faire plaisir aux femmes. Je rappe pour tout public, faut pas qu'ils s'attendent à tout. J'ai mon identité et développe mes atouts. J'arrive pas à faire le mariole comme certains. J'ai pas le diplôme de gangster comme d'autres. Mais j'ai qu'il faut de tout pour faire un monde, c'est vrai. Maintenant dans le rap on voit tout. Bref, les polémiques je stoppe ça. C'est le brave artiste de charmeur chic. Ambianceur rare d'irrésistible, Bacardi beat. Épelle mon nom, mais s'il vous plaît avant de m'apostropher négro. Quand je rappe t'as peur. Tous les briques dans le ciel, tout le monde se lève. Laissons la haine et les armes sur le sol. C'est B, A, 2, C, A, R, D, I. Bacardi. Tous les briques dans le ciel, tout le monde se lève. Laissons la haine et les armes sur le sol. C'est B, A, 2, C, A, R, D, I. Bacardi. Dans la rue trouve tous mes détracteurs. Ceux qui après le premier album peuvent bien se rétracter. Parfois le ghetto pleure. Ces éléments perdus au front, trop showbiz ou omnibulé par le franc. J'ai la franchise de dire que quand le fric frappe à ta porte, t'as du mal à dire. J'suis occupé, viens remettre ça plus tard. Mais le truc c'est savoir rester intègre et vivre à la vue d'un éventuel échec. Le rap c'est un cri de guerre rempli de haine, des suites larges avec la rage dans les tripes. Et un ancien dans une jungle. C'est grave comment les mots démontrent qu'avec on démêle les cordes de l'emprise du démon. Ça devient comme la sape. Tout le monde est à l'affût du nouveau style, du nouveau rap barbare. Même les bâtards critiques parlent dans leur barbe. Camouflés, guerriers, berbères, dardard, c'est boum. Et qui aime me suivre. Tous les briques dans le ciel, tout le monde se lève. Laissons la haine et les armes sur le sol. C'est B, A, 2, C, A, R, D, I. Bacardi. Tous les briques dans le ciel, tout le monde se lève. Laissons la haine et les armes sur le sol. C'est B, A, 2, C, A, R, D, I. Bacardi. Tous les briques dans le ciel, tout le monde se lève. Laissons la haine et les armes sur le sol. C'est B, A, 2, C, A, R, D, I.